J'suis pas l'idole des virus, les bagnoles de flics. Ma mère me dit tout le temps qu'il faut que je mange des fibres. Ma vie n'est pas crédible, dans un film je la mets pas, ouais. J'bois la tasse sans le tuba et sans les pannes. Et si j'peux pas percer, si j'ai pas mon Bercy, ce qui ferait la vie vite fait sans trop prendre racine. Caractère irascible, avec moi fais pas ta star. Au match j'fais un massacre et tu remballes tes caisses là. Jeunesse folle, son avec des formes, mélodie pulpeuse. J'aime les femmes de caractère et ceux qui ont du bulbe. Après 10 piges à buller, j'ai arrêté de calculer. Rien n'a pas d'être adulé. Tu peux être ferme comme un opéra de Naples, dramatique à la fin. Garde tes suies dans la merde pour quand t'as soif et ta faim. Ouais, les années défilent, toujours conjonctivite. Faut aller vite, profil bas devant les stars en civil. Allez, je dors en 16 phases, souffle chaud et le froid. Souffle la sueur sur mon front, jusqu'au bout s'il le faut. Ouais, je veux pousser à fond, les laisser tous s'affolent. C'est la merde, y'en a toujours un pour dire que c'est de ma faute. Fais la paix, fais la guerre, fais ta vie, ne saoule pas. Moi, je veux être high comme un pauvre qui dessoule pas. Je ne suis pas un exemple et ne veux pas en être un. Je partirai comme sur son. Dans une violente lettre, hein. J'suis pas l'idole du jeune qui mange des soies les gens. Ni bon chic, ni bon char, jamais j'en ai le bon gendre. Toute mère est partout, j'veux la vie à partout. Et j'remets des cartouches que ça pète de partout. J'suis pas l'idole du jeune qui mange des soies les gens. Ni bon chic, ni bon char, jamais j'en ai le bon gendre. Toute mère est partout, j'veux la vie à partout. Et j'remets des cartouches que ça pète de partout. J'suis pas l'idole des filles, ni costaud, ni belle gueule. Soirée à l'ancienne, whisky ouin, j'mixe tête de cut. J'ai pas de gun, pas de couteau, j'fais pas de karaté. Mais si tu comptes m'attraper, ça suffit pas de me rater. On pue au coup de pression, génération nique tout. On les fait flipper même quand on essaie de rester cool. J'ai des coups d'ici, ouais c'est la seule méthode. La vie est une belle salope, y'a plus rien, j'y m'étonne. J'suis au refait de métal, qui me remplit de méthane. J'compte plus tous les petits cons qui parlent trop et détalent. Mes regrets pètent des tonnes, recompter les pétales. Le vélo de ma vie, tout pétasse sans frein ni pédale. J'veux mener mes pédales, quand j'rentre dans mes pénates. Pratiquer la baignade sur une place seule peinard. En attendant j'péra. Équipe une instrumentale, pousse mon cri de guerre comme le Yeti sur sa montagne. J'suis pas l'idole des jeunes qui mangent des soies les gens. Ni bon chic, ni bon char, jamais j'en ai le bon gendre. Toute mère est partout, j'veux la vie à partout. Et j'remets des cartouches que ça pète de partout. J'suis pas l'idole des jeunes qui mangent des soies les gens. Ni bon chic, ni bon char, jamais j'en ai le bon gendre. Toute mère est partout, j'veux la vie à partout. Et j'remets des cartouches que ça pète de partout. J'suis pas l'idole des filles, cette vie met au défi. Trop de petits perfides, j'fume la vie jusqu'au. Y'a ce genre de musclore qui veut me taxer cyclope. T'es dans l'œil du cyclone avec son regard de cyclope. Bon, j'ai trop besoin de ce truc pour vider les tripes. Ne pas déranger Donzo pendant son ego trip. Tristement célèbre comme une catastrophe naturelle. Mélodie est ma fille, mais s'il le faut, j'arturerai. Chacun fait ses propres choix. Soit tu t'arrêtes à temps, soit tu tentes le coup. N'arrête pas là à attendre. Les indécis sont d'abaisse. Trop sûr, y'aura rien. Aussi sûr que je crache sur un nazi si j'en croise un. Pas là pour une croisade, j'ai pas la vérité. Fais ta vie, mais toi la race, bien pas de la fidèle. Évite juste de me juger si tu me connais pas trop. Fais pas dingue avec tes yeux, j'suis pas trop les patrons. J'suis pas l'idole des jeunes qui mangent des soies les gens. Ni bon chic, ni bon char, jamais j'en ai le bon gendre. Toute mère est partout, j'veux la vie à partout. Et j'remets des cartouches que ça pète de partout. J'suis pas l'idole des jeunes qui mangent des soies les gens. Ni bon chic, ni bon char, jamais j'en ai le bon gendre. Toute mère est partout, j'veux la vie à partout. Et j'remets des cartouches que ça pète de partout.